On va parler avec, avec un joueur des constructions de l'avenir du secteur de Dolbeau, Simon Tremblay. On parle un peu de l'équipe, comment ça va jusqu'à maintenant. Salut Simon! Salut, Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Simon qui est également l'instructeur des éperviers de Normandie. On va parler également des éperviers. Dis-moi, cette année, après une année de COVID, comment ça va du côté de votre formation? Est-ce qu'on parle du senior ou Oui, des on va éperviers, commencer là? par le senior, par commencer, là. Fait que par la suite, on ira. OK, parfait. C'est 4 victoires, Ouais, une on savait défaite, c'est pas quand trop. même pas si pire. Non, c'est sûr. On a eu un bon début. En plus, on savait pas trop à quoi s'attendre en sortant de la saison COVID. Puis Ouais. on savait qu'il manquait un peu de joueurs. Même moi, personnellement, je savais pas si j'allais jouer, là. Je me suis fait opérer en novembre dernier. Donc je savais pas si j'allais être à 100% puis capable de revenir. C'est un peu pour ça que j'avais décidé de me tourner vers le coaching, là. Okay. Puis là, j'avais pris la décision de revenir, puis je trouve que ça va bien avec mon opération, puis tout est beau, fait que c'est correct. Puis au niveau là, des autres joueurs, là, on pensait manquer de joueurs, on savait pas trop si ça allait être correct, mais à date, ça se passe bien, là. Ça a Je trouve passé qu'on a un proche bon début encore. de saison. Ça a passé proche encore. Elle m'a dit une affaire, c'est très très fragile, la Ligue russe. Puis on ne savait pas encore si ça allait arriver non plus. Il y a eu changement du bureau de direction à la dernière minute. Donc c'est pas. Mais heureusement qu'il y a une bonne organisation qui prend le relais. Ouais, ben on savait comme pas où ça s'en allait avec ça, là. Je sais qu'il y avait des joueurs qui étaient pas mal impliqués. Moi, j'ai pas trop eu le temps de m'impliquer là-dedans, mais faut penser aux joueurs là qui. Tu sais, il y a certains joueurs qui se sont plus impliqués là-dedans puis qui ont comme fait le suivi. C'est un peu grâce à eux, là, si l'équipe est revenue. C'est sûr qu'il y a le groupe de Dave Girard, puis Sylvain Bonneau avec Sébastien Godreau qui a décidé de s'impliquer. Donc ça, c'est sûr, c'est une bonne chose. Sinon, je sais pas où on en OK. Si on parlait un peu l'acquisition de Jean-Simon Bélanger, ça c'est une bonne acquisition également pour l'équipe, ça? Oui, c'est une bonne acquisition. Moi, je le connaissais bien, Jean-Simon. Il a joué junior majeur, puis au Deck Hockey aussi, on avait joué ensemble souvent. Donc, j'ai été surpris de voir quand il avait décidé de venir jouer ici. C'est sûr, c'est une bonne acquisition, là. C'est un joueur qui est très dangereux offensivement, là, comme on peut le voir déjà depuis le début de l'année, là. C'est assez grande force. Puis en même temps, tu sais, il a du hockey dans le corps quand même. Fait qu'il Ouais. connaît quand même connaît la game. Connaît la game. Au niveau de la cohésion, est-ce que ça a été difficile cette année de t'sais, ça faisait un an quand même, là. C'est pas facile de revenir après un an après un an. Est-ce que ça a été quand même difficile là-dessus? Ouais, ben je dirais qu'au début, c'est sûr que on avait fait je pense qu'on a eu une pratique depuis le début, fait que Ah, pas plus que ça. mais premièrement, non, on a juste pratiqué une fois avant d'aller jouer à Saint-Bruno au premier match de la OK, saison. ouais. Puis je pense qu'on est arrivé là-bas comme des tornades, si je peux me permettre l'expression, là. On dirait qu'on était partout sur la glace. Je pense que ça a quasiment bien fait. Puis je trouve que la cohésion, ça s'est quand même installé rapidement. OK. 4 victoires, une défaite. Donc, j'imagine que par la suite, en fin de semaine, vous êtes à l'extérieur encore. À Dolbeau-Missisni, ça a quand même. C'est une des bonnes places également. Ça doit motiver les joueurs. C'est la place du hockey senior, là. Ça aussi, tu sais, quand on parle aussi de. Ça doit être. À quelque part, ça doit aider aussi, là. Ah non, c'est sûr. Tantôt, j'ai dit, tu sais, les joueurs avaient décidé de revenir, puis tout ça, avec le groupe de dirigeants, si on veut. Mais les spectateurs, là, ils ont vraiment répondu à l'appel à Dolbeau. On se demandait comment ça allait être, puis on a tous été agréablement surpris. C'est sûr qu'on a juste joué 2 matchs, mais comme le match de samedi passé, là, contre Wendake, on était tous bien déçus du résultat de la game. On aurait aimé donner un meilleur show que ça, si on veut, à nos partisans, surtout qu'ils sont présents en grand nombre et ne nous ont pas lâchés. Donc c'est sûr que c'est très plaisant de voir qu'on a l'appui des partisans, parce que quand on va ailleurs dans la ligue, on se le cachera pas, là. C'est pas comme à Dolbeau, si je peux dire. Saint-Bruno, est-ce qu'il y a beaucoup de monde à Saint-Bruno? Est-ce que Wendake, c'est sûr que tu es à Québec à quelque part, là, mais c'est autre Dolbeau-Missisni, quelle ville qui a le plus de monde? Je dirais à Saint-Bruno là, que ça a quand même de l'allure. Ouais, On a une petite aréna, puis bien souvent, là, ça a l'air pas mal plein toujours. Fait que okay. ça donne l'ambiance est bonne aussi là, à Saint-Bruno. Là, c'est plaisant de jouer là-bas, je dirais. OK. Maintenant, si on parlait un peu des éperviers, comment ça va du début de la saison du côté des éperviers? Ah, ça se passe quand même assez bien. Encore là, j'avais beaucoup d'interrogations là avec le COVID. Je me demandais s'il allait avoir des joueurs. Il y a des gars que ça faisait quoi, un an et demi, 2 ans qu'ils n'avaient pas joué. Je connaissais pas tant les joueurs de ce groupe d'âge-là. Puis on a commencé tranquillement. Là, on n'avait pas beaucoup de joueurs, mais là, de plus en plus que ça avance. Je dirais que j'ai des décisions difficiles à prendre. Je suis obligé de pas habiller des gars. OK. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, c'est sûr que ça se passe bien côté joueur, mais on a une équipe qui est quand même assez jeune. On a un noyau de vétérans là, de 21 ans. Après ça, l'équipe est quand même jeune. Donc, il y a du travail à faire, là, si on veut, surtout avec le petit 2 ans là, qu'ils n'ont pas joué. Il y a des gars qui arrivent du midget directement, puis on ne veut pas. Il y a une année de hockey qui lui manque d'expérience ouais. dans le corps. Oh, ouais, puis c'est encore un step à faire aussi, là, quelque part, là. Non, c'est sûr, mais tu sais, je suis confiant. Puis je suis confiant qu'on va être prêt pour les séries, si on veut, là. OK. Du côté du coaching, t'as dit je me suis en allé du coaching, je me suis opéré, j'étais pas sûr de revenir. Comment tu trouves ça? Je dirais que j'ai été surpris. C'est sûr que je m'attends. Ben, je savais pas trop à quoi m'attendre en fait, là. J'avais jamais vraiment coaché, à part peut-être un peu en France, là, que j'aidais là, quand je suis allé jouer professionnel en France, j'avais aidé beaucoup là, avec les plus jeunes. Ouais. Mais là, de tomber avec des gars de 10-21 ans, c'est, tu sais, en adaptation, là, je ne le cacherai pas. Puis, tu sais, je suis chanceux, là, j'avais Sébastien Godreau avec moi, là, que j'ai demandé de rester pour comme faire la transition un peu. C'est lui qui était en chef là, les années passées. Donc lui il m'a aidé beaucoup, puis tu sais, de plus en plus je dis que l'équipe est jeune, mais le coach est jeune aussi, puis je suis en apprentissage comme eux là. OK, t'as David t'aide aussi, je pense beaucoup là, David Boudreau. David Boudreau? Oui, l'ancien instructeur. Il est pas dans l'entourage de l'équipe aussi, David, non? Non, okay, on est seulement moi puis moi puis Sébastien, puis tu sais, il y a encore Nicole qui s'occupe de tout l'aspect hors de l'as. Après Nicole. Ça, je dirais que non, sinon j'en fais pas mal. Puis j'ai un acolyte qui m'aide un peu là. J'ai demandé à je sais pas si vous le connaissez là, Jacques Blain, là, j'ai demandé, il vient filmer les matchs des fois, donc ça me permet de regarder les matchs là, d'un autre vue puis de voir les matchs filmés. Fait que je fais du travail à ce niveau-là. Ça prend pas mal quand même. Facilement une quinzaine d'heures par semaine être entraîneur facilement. Hein? Ah non, c'est sûr, c'est très prenant. Là. C'est pas comme un joueur que tu te prépares pour ta game puis tu le sais que ta game est à telle heure, tel jour. Là. Je dirais que mais j'ai pas mal juste ça dans ma tête la semaine. Là. Ouais. Ben Simon, bravo, félicitations, au plaisir, et on continue à suivre les constructions de l'avenir du secteur de Dolbeau. Parfait, merci beaucoup. Voilà Simon Danny. Tremblay de Dolbeau, ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi également qui joue ici même avec les constructions de l'avenir.